C'est votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. Ben, on va parler d'abord des Saguenay-Lac-Coutimi qui ont connu un week-end difficile. Ils ont perdu 4-3 contre les Wildcats de Moncton. Pour les Sags, Zachary Lavigne et Justin Duchamp qui ont marqué chacun un but, deux passes. Notons que Jérémy Fortin de Dolboom Cessny a amassé deux passes. Les Marquis de Jonquière ont perdu vendredi soir contre Thetford 5-3. Alexandre Kennel, un but et une passe dans la rencontre. Le multiconcessionnaire de Dolboom Cessny entamait un périple sur la route et ça a commencé en fin de semaine. C'était une défaite de 8-4 contre les MGR Express de Jonquière. Deux défaites en fin de semaine également pour les Sabres de Robertval. Donc vendredi soir, défaite de 7-5 contre les Saguenay de Chicoutimi. Un doublé pour Simon David Fortin et Jesse Saint-Pierre. Trois passes pour Vincent Blackburn. Et samedi, défaite des Sabres 9-1 contre les Marquis. Jean-Daniel Beaupré a marqué le seul but. Les Éperviers de Normandette accueillis ont blanchi les Aiglons d'Alma 5-0. Pour les Éperviers, le meilleur marqueur a été Charles Tremblay avec une production de 1 but et 2 passes. Il y a les Castors de Dolbeau qui ont joué en fin de semaine. Les Castors qui ont gagné 3-2 sur le Marcos Pub de Saint-Félicien. Et hier, c'était le match d'ouverture et c'était la deuxième équipe des Saguenayens qui ont gâché l'ouverture officielle des Castors en les défaisant 7-4. Les ambassadeurs de Chibougamau ont joué pour 500 fins de semaine. Ils ont gagné contre la première équipe des Saguenay-Chicoutimi 5-1. Michael Austin Secapio a marqué deux buts pour les gagnants. Notons également que dans l'autre match, défaite de 3-2 des ambassadeurs contre les Sags. Du côté des Aigles de Robertval, défaite de 6-0 contre le pavillon Wilbois-Dufour. Et au niveau du masculin, cadet division 2, gain des Aigles de Robertval 3-2 sur le séminaire Saint-François. Football collégial maintenant, gain très difficile des Gaillards de Jonquière, 18-17 contre Saint-Hyacinthe. Notez que c'était 17-0 pour Saint-Hyacinthe à la fin du troisième quart. Il y a Jordan Fortin qui a très très bien joué dans la rencontre. Jordan Fortin qui est natif de Dolbeau-Mistassini. Maintenant, on va parler de judo. Simon Paquette de Dolbeau-Mistassini chez les moins de 55 kilos a réussi à se tailler une place pour les championnats canadiens de judo qui seront présentés à Red Deer en Alberta. Donc Simon Paquette qui va combattre chez la catégorie des moins de 55 kilos. À noter également du côté maintenant, il y avait une compétition de patinage de vitesse sur courte piste qui se déroulait à Lévis en fin de semaine. Et Alexandre Simard de Saint-Félicien, groupe 2, a terminé en deuxième place. Groupe 3, notons la 12e place pour Louis Moisan. Groupe 5, David Bouchard de Dolbeau-Mistassini a pris le 8e rang. Et en terminant, bon, on termine avec, il y avait en fin de semaine, le mérite cycliste québécois qui se déroulait à Victoriaville. Et a noté très beau prix pour la traversée internationale du lac Saint-Jean en vélo. Ils ont remporté l'événement de l'année en cycliste. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.